Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1, la radio, bien sûr, qui aime le son. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir en compagnie d'un artiste très intéressant, un artiste qui explore depuis plusieurs années tout autant la matière sonore que la matière musicale, en tout cas si on peut distinguer tout ça. Il s'appelle Alexander McSween, compositeur, performeur et concepteur d'environnement sonore. Alexander McSween a collaboré à de nombreuses créations dans les domaines de la danse, du théâtre et du cinéma, contribuant de manière très significative aux œuvres de créateurs tout aussi réputés, Marie Brassard, Daniel Brooks, Daniel Canty, Paul-André Fortier, François Girard, Brigitte Henkens, Robert Lepage, Wadi Mouawad, José Navas, notamment. Issu du monde de la musique, il est actif dans le milieu du rock, de l'improvisation et de la musique électronique à titre de batteur. C'est comme ça qu'il commence sa carrière. Il a joué avec Michel F. Côté, Bionic, Bernard Falaise, The Nils, Sam Chalabi et le quatuor de tourne-disque de Martin Tétrault. On peut vraiment dire, sans trop s'égarer, qu'Alexander McSween est un artiste multidisciplinaire qui s'est adonné à la performance et à la création d'installations qui exploitent les savoir-faire technologiques. À cet égard, on a pu voir son travail dans le cadre de nombreux spectacles et événements, dont le festival Moi Multi à Québec, il y a un petit moment déjà, mais tout de même un spectacle marquant, présenté aussi son travail à MUTEC à Montréal et au FIMAV à Victoriaville. Alexander McSween donne aussi des formations sur le traitement du son, en temps réel pour les arts de la scène dans diverses institutions en Europe et en Amérique du Nord. Alexander a produit au cours des derniers mois deux albums de création sonore qui reflètent franchement la singularité de sa démarche. Une démarche au service de la création au sens large. J'ai eu la chance de converser avec Alexander McSween il y a quelques semaines à propos de sa démarche et de ses projets. Une conversation dont je vous livre le contenu ce soir. Et pour lancer ça, je vous propose en préambule un extrait d'une création d'Alexander McSween réalisée à la demande de Marie Brassard, metteur en scène de la pièce « La fureur de ce que je pense », une création librement inspirée de l'œuvre littéraire de Nelly Arcan. Alors voilà, on écoute cette introduction et les propos ensuite d'Alexander McSween. Thank you. Alexandre McSween, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver. Merci beaucoup. Heureux pareillement. Alexandre, on vient d'entendre en intro de notre conversation le remix d'une création intitulée « Chant de l'ombre ». Ça a été créé pour la pièce « La fureur de ce que je pense ». C'est un travail avec Marie Brassard. Tu as réalisé au cours de ta carrière de nombreuses commandes pour des artistes du domaine du théâtre, de la danse, là, entre autres. Alexandre, qu'est-ce qui t'inspire au départ pour ces projets où on t'aborde et on dit « Écoute, on aimerait travailler avec toi ». Comment ça émerge? Ben, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui vont me nourrir au départ d'un projet. Bien évidemment, une discussion avec un metteur en scène ou une chorégraphe qui me parle de l'univers que cette personne souhaite créer. En parenthèse, une des choses que j'aime en travaillant avec les arts de la scène ou étant compositeur de commandes est que, comme un comédien, je peux me réinventer à chaque fois. Donc, ces gens-là viennent vers moi pas pour avoir ma musique telle qu'ils le connaissent, de la manière peut-être qu'on souhaiterait avoir une composition de Brian Eno dans notre pièce de théâtre parce qu'on connaît bien l'œuvre puis on sait ce que ça sera. Au contraire, si j'ai une force, si vous voulez, dans ce métier, c'est de pouvoir me réinventer selon le projet en question. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire du minimalisme ou du même du hip-hop ou n'importe quoi selon les besoins du projet. Bien sûr, j'ai mes limitations, mais c'est un des grands plaisirs. Donc je vais normalement avoir une discussion au départ par rapport à l'esthétique générale du spectacle, à la manière que la musique va fonctionner dans le spectacle. Mais avant de vraiment rentrer dans les détails d'un projet, j'ai besoin de connaître les interprètes. J'ai besoin d'assister à des répétitions, de sentir l'énergie des interprètes, que ce soit des danseurs ou des comédiens. Je constate j'ai constaté après des années de faire ce métier que d'une certaine manière, je travaille en réaction aux interprètes de la même manière que les interprètes travaillent en réaction à un texte ou à une chorégraphie. Donc, il y a, bien sûr, j'ai une relation à la chorégraphie et au texte, mais les interprètes m'influencent beaucoup dans les choix que je fais, dans l'approche esthétique que je prends pour un tel projet. Alexandre, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ton travail, on va écouter deux pièces tirées de cet album intitulé Furie au pluriel. C'est le remix des pièces créées pour le spectacle Fureur de ce que je pense. C'est un spectacle qui était présenté tout de même à l'Espace Go en 2013 et plus récemment en 2022. Alors, on va écouter le chant des mirages et l'autre titre, c'est écrit d'avance. Alors, on écoute ça. Thank you. Alexander, quand on scrute ton curriculum vitae, on réalise que ta formation, c'est d'abord une formation en cinéma, photographie, tu as fait ça au collège Dawson, puis ensuite littérature à Concordia. Alors, comment t'expliques ton cheminement? Comment t'arrives à la musique, aux arts sonores, puis même tu vas fréquenter un peu les technologies, les arts numériques? Comment ça se passe? Eh bien, la musique et même l'intérêt à la technologie était là bien avant d'arriver au cégep ou à l'université, bien avant même d'arriver à l'école secondaire. Assez jeune, j'ai commencé à me construire des batteries avec des boîtes de carton, des poubelles à l'envers. Et éventuellement, j'ai eu ma première batterie à l'âge de 11 ans, la batterie étant mon instrument principal en tant que musicien. En même temps, j'ai reçu comme cadeau d'un ami de la famille, à une époque, un petit magnétophone à cassette, et je m'amusais beaucoup à enregistrer tout ce qu'il y avait autour de moi, ma voix, j'enregistrais ma famille, les bruits domestiques, et j'étais assez fasciné par cet objet, par la puissance de capter du son. Et donc, je crois qu'il y a une sorte de évolution naturelle dans ces intérêts-là. Mais à un jeune âge, dans mon adolescence, je n'imaginais jamais avoir le talent pour devenir musicien, compositeur professionnel. Et donc, j'ai fait des choix à des moments d'entrée dans des institutions postsecondaires selon ce qui m'intéressait, peut-être moins avec un grand plan professionnel, mais j'étais beaucoup attiré à la photographie, au cinéma. Il y avait un programme à Dawson, et donc quand il fallait choisir une discipline en particulier, c'est ça que j'ai choisi. Un peu la même chose pour l'université. J'ai pris quelques années quand même entre le cégep et l'université, et pendant toute cette période, je jouais dans des groupes de musique, je continuais à jouer dans des bandes. Peut-être avec une sorte de rêve un peu adolescent d'être un rockstar un jour, mais pas nécessairement avec un but concret de faire une carrière en musique. Et donc, quand j'ai décidé que j'aimerais ça, que ce serait une bonne idée, entre autres parce que ça me donnerait des bourses et même des prêts. À l'époque, les prêts pour aller à l'université étaient quand même assez importants. Et donc, et là encore, qu'est-ce que je choisirais? Ben, j'ai décidé de choisir la littérature. Le fait est que j'ai continué à jouer de la musique et un jour, c'est devenu mon métier, plus par le fait d'une sorte de... Mais j'hésite même de dire persistance, parce que... Mais plutôt peut-être de continuité, de momentum. Je partageais un local avec un autre groupe, puis le batteur de ce groupe-là travaillait en tant qu'accompagnateur pour les classes de danse contemporaine. Et il m'avait proposé de venir à l'école, il cherchait d'autres accompagnateurs. Et donc j'ai commencé à faire ce métier qui m'a permis de connaître des gens, des personnes de mon âge dans le milieu de la danse, qui commençaient tranquillement à me proposer de collaborer en tant que musicien sur leur spectacle. Et c'est vraiment de là où est né ce métier de collaborateur aux arts de la scène. J'ai commencé d'abord en danse, et puis le théâtre a suivi. Et dans cette période, je continuais à jouer dans les groupes. Et donc, c'était vraiment une sorte de cheminement, en partie de joyeux hasard et d'une autre partie d'un amour... continue avec la musique, avec la batterie. Alexandra, on va écouter cette fois une pièce tirée d'un album que tu affectionnes tout particulièrement. Tu as réalisé ça en 2015, ça s'intitule Squiggle Game, que je traduis par l'expression jeu de gribouillis. C'est ce que Google Translate nous donne comme traduction de ce titre un peu énigmatique. Alors, on écoute la pièce Crocodile et puis on poursuit notre échange à propos de ce projet de création. Behavior of whole systems unpredicted by the behavior of their parts. The most extraordinary example of it is what we call mass attraction. One great massive sphere and another massive sphere hung by tension members are attracted to one another. conceptual, and they subdivide total universe into without an outsideness and an insideness, and a little bit of the universe, which is the system itself. And the systems return upon themselves in a plurality of directions, whether they're spheres or cubes or crocodiles. Alexander, ce projet de création intitulé Squiggle Games, c'est un projet fascinant quand on prend le temps de lire l'histoire du projet. C'est à la fois ludique, c'est à la fois une réflexion intéressante qui en dit long, je dirais, sur ton processus de travail. Et j'aimerais que tu nous racontes l'histoire de cet album, Squiggle Games. Eh bien, le projet a... Deux amis, Fabrizio Gilardino et Michel F. Côté, compositeur que tu connais probablement, ont parti un label ensemble qui s'appelait A Records ou And Records. Enfin, c'était le symbole, le ampersand, comme on dit en anglais, avec le but de sortir 24 disques et après ça de fermer le label. Et ils m'avaient proposé de contribuer à ce projet et j'ai accepté. Et, mais je n'agissais pas. Finalement, ils étaient prêts à terminer le projet. Je pense qu'ils avaient sorti 22, 23 disques même. Et ils m'ont averti que c'était la fin. Et donc, je me suis mis à penser à ce que je pourrais leur offrir. Et j'ai eu une idée. Fabrizio étant graphiste, j'ai eu l'idée de lui demander une pochette de disques. Pas juste avec le graphisme, mais avec des titres de chansons, de numéros, de pièces et une liste de crédits de musiciens que lui, il inventerait et moi, j'aurais par la suite à créer le disque tel que, qu'indiqué sur la pochette. Fabrizio a acheté l'idée et il a présenté la pochette. Après ça, je trouvais que la musique qui émergeait correspondait moins aux titres. Donc, on a changé quelques titres et puis on a changé un peu le graphisme aussi en cours de route. Les musiciens, par contre, Corinne René, Sam Chalabi et Nicolas Kaloya ont demeuré constants. J'étais ravi de la proposition de Fabrizio de travailler avec ces trois personnes-là que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Squiggle Game, le titre vient du travail de... Donald Winnicott, un psychiatre anglais assez connu, souvent cité par les philosophes du 20e siècle. Il a écrit beaucoup sur la créativité, sur l'association entre la créativité et le jeu de l'enfant. Et avec ses patients, ses clients enfants, il y avait un jeu qu'il utilisait des fois pour les inspirer, qui appelait The Squiggle Game. Donc, il dessinait une petite ligne sur un squiggle, sur une page, et il invitait l'enfant à compléter le dessin. Et donc, d'une certaine manière, cette pochette que j'ai commandée à Fabrizio était le squiggle qui a inspiré tout le disque qui est sorti par la suite. Oui, c'était aussi dans une période où j'avais découvert le travail d'un compositeur, réalisateur hip-hop assez connu qui s'appelle J Dilla, grand innovateur, surtout en ce qui concerne les rythmes dans la musique hip-hop. Et son dernier disque avant de mourir à un assez jeune âge s'appelait Donuts. Et c'était un disque qui ne contenait aucun rap. C'était de la production hip-hop, mais sans les paroles. Des fois, des très courtes pièces, d'autres un peu plus longs, beaucoup de sampling, bien sûr. Et j'étais très inspiré par cette idée d'un disque qui contenait des petits univers musicaux. Je prétends pas que mon disque est du tout du même genre, mais c'était cette approche qui m'a inspiré. Donc ça aussi a nourri le projet. Alexander, on va écouter une autre pièce de Squiggle Games. qui s'intitule « Le rêve du braconnier ». Là aussi, c'est une traduction d'un titre qu'on retrouve sur l'album. C'est un projet réalisé avec la collaboration, je le rappelle, de Corinne, René, Nicolas Kalaya et Sam Chalapi. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste Alexander McSween. Restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. Thank you. CKRL 89.1, 50 ans de création radiophonique. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h sur les ondes radio et sur la toile de ckrl.qc.ca. En deuxième demi, on poursuit cette conversation que m'accordait l'artiste Alexandru McSween autour de ses récents projets de création sonore et d'installation. Passionné de musique, diplômé du Collège Dawson en cinéma et en photographie, puis bachelier de l'Université Concordia en littérature, Alexandru va migrer au fil du temps dans l'univers de l'expérimentation artistique. Il va côtoyer de nombreux créateurs, tant du domaine des arts de la scène que du domaine des arts visuels. Son tout dernier projet de création, intitulé « Éphémère », constitue la trame sonore d'une exposition collective d'art visuel pilotée par le commissaire Frank Mulvey. Elle se veut, cette œuvre, un accompagnement à la fois de l'exposition et de son catalogue. Boursier du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec, Alexandru McSween compte de nombreux albums solo et des collaborations très, très nombreuses aussi. À titre de formateur, il enseigne la conception sonore pour les arts de la scène auprès de nombreuses institutions au Québec et à l'étranger. Voilà, assez dit. Parole maintenant, on poursuit avec Alexandru McSween. Alexandru, tu travailles maintenant depuis plusieurs années, on peut le dire, dans le domaine non seulement de la musique, mais des arts multidisciplinaires. Tu as fréquenté les technologies, les arts numériques. Je me souviens t'avoir vu en compagnie de Paul Linterland en 2001 au Mois Multi à Québec. Ça fait déjà un bout. Et depuis ce moment-là, tu as réalisé de nombreux projets de création de ton côté. Et pour ce qui est de ta création personnelle, quel est le moteur, quel est le ressort qui t'amène à développer certains projets plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui t'inspire, en d'autres termes? C'est une très intéressante question. D'une certaine manière, je peux répondre en disant que la grande majorité de la musique que j'ai réalisée, même des projets solo comme Squiggle Game, ont été réalisés grâce à une proposition d'une autre ou de plusieurs autres personnes. Quelqu'un m'aurait invité de créer une performance solo pour un festival, par exemple. On dirait que j'ai besoin d'invitations avant d'agir. C'est peut-être proprement dit pas de l'inspiration comme telle, mais plus l'étincelle ou je vais faire un anglicisme, the activating force. L'inspiration, c'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis beaucoup. Je reçois une proposition et je peux dire que je suis souvent très inspiré par mes outils. J'aime ça embarquer dans un nouveau projet avec un nouveau outil, un clavier ou un logiciel ou un instrument, même une guitare. La dernière création que j'ai fait avec l'artiste de théâtre Marie Brassard, qui s'appelle Violence. Un jour, on sortait d'une période de recherche ensemble. Je sortais de son bureau, son studio à l'époque, et j'ai trouvé dans le garage de ce studio, en dessous d'un bateau à voile, vieux bateau à voile couvert de poussière, je l'ai vu, une guitare électrique toute cassée, les boutons manqués, et il restait que 3 cordes. C'était vraiment une guitare abandonnée. Et je l'ai amené à un luthier et je l'ai fait restaurer, si vous voulez. Et j'ai décidé d'utiliser cette guitare dans cette pièce. Est-ce que j'aurais inclus la guitare électrique dans cette œuvre de Marie Brassard sans l'avoir trouvée là-bas? Je ne crois pas. Donc je suis inspiré par les gens qui m'entourent, par les propositions que ces personnes-là me font et par le hasard de croiser un instrument, de trouver un instrument. Des fois, c'est simplement, je découvre en lisant une revue de technologie musicale qu'il existe maintenant un nouveau pédale qui fait une telle chose et je vais aller l'acheter et ça va devenir le point de départ ou le point central d'une œuvre en question. Thank you. Alexander, on vient d'entendre tout à l'heure une pièce, une création que tu as réalisée pour une exposition qui s'intitule « Éphémère imaginaire ». C'est une exposition d'art visuel cette fois, et je me demandais si le processus de création était différent, si différent quand on invente pour une exposition d'art visuel par rapport à ce que tu fais pour les arts de la scène, les arts vivants. Pas vraiment, non. J'étais curieux justement de voir si ça allait être différent. Bon, bien sûr, il n'y a pas de répétition. Les œuvres sont déjà créées. J'ai que à les regarder. Je les ai pas vues dans la galerie, par contre, avant de commencer la composition. Je les ai vues en PDF. J'ai eu des discussions avec l'artiste, un des deux artistes principaux qui ont organisé l'exposition. Donc, encore une fois, ça c'était un... c'est un peu comme ce que je disais par rapport à être inspiré par des interprètes. J'étais inspiré par mes discussions avec cet artiste-là. Qui il est, comment il conçoit cette expo, son énergie en tant qu'humain m'alimente à une certaine pointe. Après ça, les lignes dans les œuvres, le titre de l'œuvre, aussi une idée de l'espace. J'avais vu des photos de la galerie. Donc, avec toute cette information et en imaginant que cette musique allait accompagner des gens dans un lieu quasi public où il y aurait peut-être des contaminations de bruit extérieur ou des gens qui se parlaient entre eux, je voulais trouver une façon de créer ce que j'ai appelé dans le contexte une enveloppe sonore pour accompagner la visite à l'expo sans trop commenter sur les œuvres. Mais plus pour enrichir l'espace de la même manière que l'éclairage. D'ailleurs, au théâtre, je considère que je travaille beaucoup plus comme une éclairagiste sonore que comme un appui à la dramaturgie. Ben, bien sûr, c'est un appui à la... La conception sonore est très importante dans la dramaturgie, mais ça m'intéresse pas de soutenir les grandes émotions d'une pièce de théâtre par la musique comme on fait au cinéma par exemple, mais plutôt de définir l'espace dans lequel l'action se déroule, dans lequel les événements évoluent. Et puis pour la galerie, dans le fond, j'étais encore une fois dans une situation de, même peut-être plus que dans une pièce de théâtre, parce qu'il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de... C'est pas... L'aspect temporel de la chose n'est que dans les ambulations des visiteurs sur lesquels j'ai aucun contrôle. Donc d'une certaine manière, la trame sonore, n'étant pas statique, n'était pas non plus dans une logique temporelle de la même manière qu'il serait dans une pièce de danse ou une pièce de théâtre. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. C'est une pièce de 20 minutes qui joue en boucle continue dans l'espace, à un volume calculé pour être présent, mais pas du tout invasif. On va d'ailleurs en écouter un autre extrait de ce projet inscrit à ton album qui s'intitule « Éphémère » et inspiré de ce projet « Éphémère, imaginaire, projet d'exposition ». Alors, on écoute ça. Alexandre, on pourrait longuement converser, toi et moi. L'émission s'achève. Je constate que tu es un créateur très en demande, beaucoup de pain sur la planche, mais sur le plan perso, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui s'amène comme projet à venir pour les prochaines semaines, les prochains mois, sur le plan de la création, sur le plan de la recherche? Je suis au tout début d'un projet de composition d'une œuvre que je n'appellerai pas un opéra parce que je trouve que ce mot-là invite des connotations, surtout par rapport au style de chant qui n'a pas de rapport avec le projet. Mais depuis plusieurs années, je m'intéresse à ce qu'on appelle dans certains milieux, en anglais, « music theater », contrairement à « musical theater », qui est enfin des comédies musicales ou des œuvres de Broadway. Mais ça m'intéresse depuis un moment de créer un spectacle de scène dont une composition musicale est le point de départ. Donc de prendre tout ce que j'ai appris à travers toutes ces collaborations avec de nombreux chorégraphes et metteurs en scène et de voir comment je pourrais incorporer cet apprentissage dans une idée de composition d'une œuvre qui ne contient pas juste de la musique, si c'est clair. C'est rien de nouveau, il y a plein de compositeurs qui ont approché ce type de travail, Stravinsky, Schoenberg. On peut plus récemment regarder le travail de Laurie Anderson, de Robert Wilson. Donc il y a une longue tradition de créer des spectacles d'après la musique. En 2015, j'ai eu la chance d'aller passer plusieurs semaines au centre Banff, justement pour rechercher cette forme. C'était pas une résidence de composition, mais plutôt de recherche. Et depuis ce moment, je continuais à songer à quelle forme une telle pièce pourrait prendre. Et là, finalement, je suis enfin en train d'agir comme j'ai remarqué plus tôt dans notre discussion, j'ai l'habitude de d'agir artistiquement que ou presque que suite à une proposition d'une autre personne. Et donc j'ai pas développé au fur des années l'habitude d'une artiste indépendante comme d'autres compositeurs musiciens que je connais ou comme les artistes de théâtre et danse avec lesquels je travaille. J'ai pas cette habitude là. Même si j'ai pas de manque d'envie. Et donc là, j'essaie de tout en me fouettant assez doucement, de m'encourager de prendre cette habitude parce que je ne peux plus ignorer le besoin de créer mes propres œuvres. Même si je considère que la musique que je crée pour d'autres artistes reste quand même ma musique, mais il y a un esprit créateur que je peux tracer jusqu'à mon enfance. Ce jeune garçon qui aimait monter des spectacles dans le sous-sol avec ses frères et sœurs et amis du quartier, qui aimait jouer avec les magnétophones, construire des décors. Il y a quelque chose... c'est pas nouveau pour moi, cette envie. D'une certaine manière, c'est la plus ancienne de mes envies artistiques. Tout à fait. Alexandre, à t'écouter, la création, toujours perçue comme un défi et un défi partagé avec des collaborateurs. Alexandre, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. Ça a été super. Merci à toi, Gaëtan. Ça fut un grand plaisir de jaser avec toi. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du compositeur, musicien et artiste multidisciplinaire Alexandre McSween. Évidemment que je remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres, que l'on retrouve d'ailleurs sur de nombreuses plateformes. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.